Ouais, c'est le boogie boogie boogie tout le samedi soir. La fille du patron m'entraîne dans son parloir. Je me réveille bien danser, me dit-elle en riant. Ses lèvres sont sexy et son corps attirant. Je passerai chez toi vers les 9h15. Fais-toi belle pour moi, tu verras ce soir. Ensemble nous danserons tout au milieu des autres gens. Ouais, le boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie, c'est le boogie boogie boogie boogie boogie tout le samedi soir. Ouais, c'est le boogie boogie boogie tout le samedi soir. De Nantes à Monaco, de Nice à Monte Carlo, dans tous les casinos on danse à perdre haleine. Ce rythme un peu fou qui souvent nous déchaîne. Le piano fait des siennes mais il n'en a pas l'air. Il en a la musique, il faut déjà le faire. Tiens, volte tous en cœur, moi ça me fait croquer. Cheveux longs, cheveux bruns, t'es la plus belle des filles.